Je vous écoute, alors je vais essayer de vous répondre autant que je le peux. Alors, on a une citation du poète T.S. Eliot. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je connais T.S. Eliot, mais je ne connais pas par cœur son œuvre complète. Donc ça m'étonnerait qu'on tombe pile sur quelque chose dont je connais son. Mais allez-y. Je vais vous en lire un petit bout. Oui. Du coup. What I call auditory imagination is the feeling for syllable and rhythm penetrating far below the conscious levels of thoughts and feeling, invigorating every word, sinking to the most primitive and forgotten, returning to the origin and bringing something back, seeking the beginning and the end. It works through meanings, certainly or not without meanings, in the ordinary sense, and fuses the old and obliterated, and the trite, the current, and the new surprising, the most ancient and the most civilized mentality. Du coup, donc, selon T.S. Eliot, les langues... Ça donne quoi en français? Alors, à travers les rythmes... Parce que là, un peu rapide. Hein. OK. Oui. À travers les rythmes et les sonorités, la littérature et la poésie, selon T.S. Eliot, rassembleraient les gens... sans qu'il n'ait besoin d'avoir la même compréhension du texte, et même en incluant ceux qui ne connaissent pas la langue dans laquelle ils sont écrits. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la littérature et la poésie est un langage universel? Là, tout dépend ce qu'on entend par universel. C'est un mot un peu fourre-tout, vous voyez ce que je veux dire? Y compris politiquement, d'ailleurs, où on l'emploie beaucoup. Même là, ça pose problème. Alors qu'on peut s'entendre peut-être sur 3 ou 4 principes qui seraient universels. Mais en même temps, ils viennent toujours de quelque part, ils ont une histoire. Donc, vous voyez, déjà, il faut... Bon, cet universel-là serait à préciser, à nuancer. Alors, je reviens à la poésie. Évidemment, il y a la division des langues. Bon. Babel nous a joué un sale tour. Il y a une formule de Mallarmé que j'aime beaucoup et que je cite souvent, qui complète T.S. Eliot, qui complète à l'avance, puisque Mallarmé a précédé T.S. Eliot, c'est « les langues imparfaites en cela que plusieurs ». Une citation qui commence comme ça, mais Mallarmé y voit un avantage. C'est que s'il n'y avait pas cette division et ces imperfections de l'une à l'autre, c'est ça qu'il veut dire, imparfaites en cela que plusieurs, et pas d'adéquation totale, il n'y aurait pas de poésie. Parce que si on lit davantage Mallarmé, mais je reviendrai volontiers à T.S. Eliot après, il veut dire par là aussi qu'il n'y a pas non plus d'adéquation totale entre les mots et les choses, ce qui est plus simple à comprendre. Et c'est parce que les mots ne font pas que désigner les choses, ce n'est pas une nomenclature, qu'il peut y avoir de la poésie. Donc, c'est ce décalage, cette imperfection, on peut l'appeler décalage, entre les mots et les choses, et d'une langue à l'autre, qui crée cette incertitude et ce jeu possible. Ce jeu au sens où il y a de l'air ou de l'espace qui fait que les choses se déplacent ou peuvent bouger un peu. Bon. Alors maintenant, est-ce qu'il y a, je reviens à T.S. Eliot, est-ce qu'il y a un universel qui ferait que on pourrait entendre la poésie sans la comprendre? C'est à peu près ça. Oui. Bon. Sans connaître les langues. On peut être évidemment subjectivement sensible d'abord à des sonorités, à un phrasé, à un rythme. Bien. Dans un groupe linguistique donné, les langues romanes par exemple, là, T.S. Eliot peut avoir raison tout de suite. Si on sort du groupe auquel on est habitué, du groupe auquel on appartient nous-mêmes, c'est tout de même un peu plus compliqué. D'autant que tout s'apprécie par différence. Donc, par exemple, si j'entends du chinois, et encore, je prends une langue connue, même si on ne la sait pas, on la connaît, on sait à quoi ça ressemble. Il m'est difficile, si je ne connais pas un mot, de savoir si j'ai affaire à un texte réglementaire, à une proclamation du parti unique, ou à un poème. Il y a déjà le statut du texte, il est difficilement définissable ou perceptible, pas perceptible à l'oreille. Oui. Alors, est-ce qu'il y a maintenant une sonorité propre à la poésie qui se retrouverait partout? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que il n'y a pas, de ce point de vue, d'universel possible. Je ne crois vraiment pas parce que... maintenant, on peut se rattraper autrement ou comprendre T.S. Eliot d'une autre manière. Ce qu'il veut peut-être dire, mais vous voyez que le peut-être est important et que la marge existe partout. Sinon, il n'y aurait pas d'interprétation possible non plus. Ce qu'il veut peut-être dire, donc, c'est que dans toute poésie, il y a scansion, rythme, mais il y a une prosodie. Là, peut-être qu'on peut s'y retrouver. Et que, en effet, un peu partout, on trouve un usage de la langue qui est un peu particulier à l'intérieur de la langue elle-même, et ça, de partout. Ça, c'est acceptable. Enfin, plus facilement à mes yeux, à mes oreilles. Ouais, je réponds comme je peux. Donc, traduire, ce n'est pas trahir. Jamais. Non, c'est un peu facile, ce mot. Évidemment, il vient de l'italien, vous le savez, n'est-ce pas ? Donc, en italien, le rapprochement phonétique est tellement évident que ça nous a donné ce mot fameux. Bien. Faut se méfier des proximités comme ça, phonétiques, trop faciles. Alors, là aussi, tout dépend ce qu'on entend trahir. Est-ce que c'est une question morale ? Ça a ce sens-là, déjà, trahir ? Sûrement pas. Sauf si on fait exprès de déformer un texte, de le trahir politiquement, par exemple, on peut tout à fait défigurer un texte. Bien. Alors là, en effet, il y a une responsabilité morale et politique tout à la fois. Mais dans le cas qui nous occupe, c'est pas une trahison, c'est une... C'est une adaptation, une translation, comme on disait. C'est un beau mot, translittération, disait autrefois. Je trouve que c'est un vocabulaire qui est intéressant, qu'on pourrait retrouver, vous voyez, qu'on pourrait presque remettre au goût du jour. Je le trouve plus juste que ces histoires de trahison. De translittération, c'est-à-dire que, voilà, on met dans un autre contexte, à la fois sonore, sémantique, philologique, etc., un texte, voilà, on le déplace et il faut donc bien l'acclimater. Ça n'est pas trahir, je ne pense pas. Alors, maintenant, ce qui reste, c'est que la position du traducteur n'est pas celle de l'auteur, et que là, ça change quelque chose. Je traduis un peu moi-même, alors je le sais bien, pas tellement, mais enfin quand même un peu. Il y a des textes parfois même pas trop faciles. Quand on est l'auteur, soit par résignation, soit par illusion, soit par sentiment euphorique ou contentement de soi, il y a un moment où on peut se dire « Ah là, ça y est, là, j'y suis arrivé. Il n'y a plus rien à changer. Bon. » Et ça peut être de la fatigue autant que de l'euphorie, hein, mais enfin, ou l'illusion. Mais voilà, il y a un moment où on peut se dire « C'est comme ça, ça ne sera pas autrement. » Surtout dans l'ordre littéraire. Et poétique, tout particulièrement. Par exemple, moi, je travaille beaucoup mentalement. Je n'ai pas de manuscrit. Je ne travaille pas en écrivant à la main quand il s'agit de poèmes. Je les travaille intérieurement. Donc, là, il y a un moment où ils sont d'une perfection relative, si je peux me permettre cet oxymore. Mais il y a un moment où je sais que je ne peux pas dire autrement. Voilà. Donc, c'est comme ça. Bon. Si je traduis ce sentiment... n'arrive jamais. C'est-à-dire que je peux toujours recommencer. D'ailleurs, il y a de nombreux exemples. De deux façons. Soit que le même traducteur refasse sa traduction, il y a des exemples, refasse sa traduction 10 ans ou 20 ans après, parce que lui-même a évolué, il lit le texte autrement, des commentaires, des interprétations nouvelles sont arrivées, etc. On a beaucoup critiqué, par exemple, Alexandre Vialat pour sa traduction de Kafka. Moi, j'aime beaucoup cette traduction, mais parce que c'est la première dans laquelle j'ai lu Kafka aussi. Elle n'est sûrement pas parfaite, en effet. Bon. Mais j'imagine que si Vialat, 20 ou 30 ans après, avait refait lui-même sa traduction, il aurait fait bouger les choses. Vous voyez ? Bon. Et de toute façon, là, je n'ai pas d'exemple précis qui me vient à l'esprit, mais c'est arrivé. Des gens qui recommencent leur traduction. Bien. Et puis, surtout, on recommence avec différents traducteurs. C'est au point que, pour le texte traduit, il y a une sorte de contemporanéité, que non, j'avais plus à prononcer, pardon, qui est supérieure au texte dans notre propre langue. Je veux dire par là, pour être plus clair. Shakespeare aura toujours l'air plus moderne que Racine. Alors, non seulement parce que l'esthétique shakespearienne ou son sens du théâtre est très différent de celui de Racine, mais ou Corneille, mais il n'y a pas que cela. C'est que nous lisons un texte d'aujourd'hui en français. Pour les Anglais, Shakespeare est plus archaïque que pour les Français. Je pourrais prendre Dante, puisque vous êtes là, n'est-ce pas ? On traduit, depuis 20 ans, on a beaucoup traduit Dante. On a 3-4 traductions entières de la Commedia qui sont nouvelles. Bon. Ce sont des textes, pas forcément d'une hyper-modernité, mais tout de même dans un français contemporain. Alors que vous lisez Dante, l'écart est moins grand, je le sais bien, entre Dante et l'italien d'aujourd'hui qu'entre le français de l'époque de Dante et le français d'aujourd'hui. Bon, rien n'est jamais homothétique. Mais il n'empêche que vous lisez Dante, qui est un texte ancien pour vous, nous lisons Dante en sachant intellectuellement, ou Shakespeare, que intellectuellement c'est un texte qui date de plusieurs siècles, mais quand je quitte cette vision purement intellectuelle et que je lis le texte, je lis un texte contemporain. Ou pas tout à fait, mais quand même presque contemporain. Voilà. Alors, donc là, il n'y a pas de trahison dans ce sens-là. Il y a une imperfection qui fait qu'on recommence toujours, mais qui fait partie du jeu, en particulier pour la littérature qui survit. Les textes sont traduits une seule fois, puis on les oublie. Alors là, on n'en parle plus. Mais sinon, pour les grands textes classiques, on recommence sans arrêt. Je vais ramener encore une fois, mais rapidement, parce que c'est tellement connu que ça devient un cliché, c'est la célèbre nouvelle de Borges aussi, de Pierre Ménard, n'est-ce pas, traducteur du Quichotte. Le Quichotte, recopié mot à mot, est un texte contemporain parce que le Pierre Ménard, héros fictif de Borges, se contente de recopier, mais il recopie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça n'est plus le même texte que lorsque Cervantes l'écrivait. Bon. Donc on est perpétuellement dans ces ajustements temporels, contextuels, et qui tiennent à la civilisation dans laquelle on se trouve, autant que dans la littéralité du texte. J'ajoute enfin que l'idée de la traduction change. Par exemple, au XIXe siècle, on était beaucoup moins, j'allais dire rigoureux, c'est un jugement de valeur, je voudrais bien ne pas l'avoir. En tout cas, on est beaucoup moins fidèle à la lettre qu'au XXe siècle. Au XXe siècle, on s'est mis à considérer que la traduction devait être le plus possible littérale. C'est-à-dire qu'on doit tout traduire et mot à mot, pour employer une expression simple. Au 19e, on n'a pas cette vision-là du tout. On traduit des vers en prose, on l'a fait au 20e siècle aussi, mais très facilement. J'ai une version chez moi, milieu 19e, en prose de la Vitellmove, par exemple. Très agréable à lire, d'ailleurs. On appelait ça les belles infidèles. Oui, il y a un mot qui me vient, je crois que c'est celui qui convient. Autant qu'on traduit, on paraphrase. Une autre idée de la traduction, c'est tout. La traduction, au sens où je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de la, vous voyez, de la translittération. Voilà. Ça concerne justement la deuxième question que vous voulez poser. En fait, dans la préface Nerval, Lenore et autres poésies allemandes, vous écriviez certaines traductions ont le même pouvoir, la même influence que des œuvres originales. On l'oublie trop souvent. Et juste à côté, vous disiez aussi que des traductions comme celle de Nerval ne se prêtent pas d'ajouter des paragraphes ni d'amputer un poème qui lui semble trop long. Et donc voilà, on s'est posé justement la question, est-ce que... Oui, ça peut aller jusque-là, oui. Voilà, pendant qu'on traduit, on a, entre guillemets, les droits de tout faire, ou on peut et on devrait se poser des limites. Vous avez dit que ça dépend aussi de l'âge, et donc, voilà. On doit se poser des limites, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec un texte. Alors là, ce serait le trahir, pour le coup. Simplement, on a des libertés. Et donc, c'est une question de conscience personnelle, d'expérience, de façon dont on voit la littérature, dans quel respect ou non-respect on est vis-à-vis des textes. Vous voyez, c'est une question complexe, ça. Mais quand on fait une anthologie, par exemple, on isole des textes. On ne traduit pas toujours une œuvre complète. D'un romancier, on peut traduire une nouvelle et pas le reste. Donc déjà, ça, c'est changer les choses. Parce que si, par exemple, un auteur a écrit un recueil de nouvelles avec une cohérence d'un texte à l'autre et dans un ensemble, si on isole un texte, déjà, vous voyez, on intervient. Bon. On fait ça souvent pour les poèmes, d'ailleurs. On traduit trois poèmes dans une anthologie, par exemple, où on fait un choix, c'est déjà une intervention. Bon, tout le monde se le permet sans beaucoup de scrupules, et à juste titre, d'ailleurs. Bon, ça n'a rien de condamnable. C'est une façon aussi de faire connaître. C'est un peu échantillonné. Vous voyez, donc, il y a déjà ça. Quant à être comme Nerval, qu'est-ce que vous voulez ? Nerval, comme disent les psychanalystes, il s'autorisait de lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est donné tous les droits, mais pas n'importe comment. Voilà. Alors, puisque vous parlez de Nerval, qui est un cas que je connais assez bien, c'est très difficile aujourd'hui de se rendre compte de quel Allemand parlait Nerval, ou quel Allemand il connaissait, parce qu'il ne parlait pas de toute façon. Qu'est-ce qu'il connaissait de l'allemand ? Quelle est sa connaissance ? C'est très difficile à évaluer. Par rapport au... D'abord parce qu'on n'a pas Nerval sous la main et que je ne l'entends pas parler. Bon. Donc je ne peux pas vraiment juger. J'ai des témoignages d'époque. Je disais qu'il ne savait pas très bien. Bon, pas... C'était loin d'être parfait. Il a quand même fréquenté Heine. Et il a traduit Heine, grand poète allemand, mais qui vivait à Paris, qui lui-même s'appelle français. Donc voilà, oui. Comment il se parlait, je n'en sais rien. C'est très compliqué. Et puis d'autre part, encore une fois, on n'a pas non plus les mêmes exigences. Qu'est-ce que c'était que savoir une langue au 19e ou au 18e ? Je ne sais pas absolument. On ne passait pas par les mêmes études. On n'avait pas. Vous voyez, les critères et les jugements n'étaient sans doute pas les mêmes. Enfin, ce qui est sûr, c'est que Nerval n'avait pas fait d'études d'allemand. Mais qu'il avait une sorte de tropisme comme ça qui l'attirait vers le monde germanique pour des tas de raisons que je ne vais pas développer maintenant. Alors, il s'est approprié certains poèmes. Il y a ça chez le traducteur, il y a une volonté d'écrire par procuration, ou un désir d'écrire par procuration. Certains, parce qu'ils n'écrivent pas autrement, ou d'autres, comme Nerval, parce qu'il assimile tout, toutes les sources mettent à feu son imagination. C'est vraiment ça, y compris quand il n'écrit qu'en français. Et donc, le texte étranger fait partie de voilà des bûches qu'il met dans la cheminée. Donc il en fait son poème à lui, au point que dans le petit volume auquel vous faites allusion, on a fait faire des recherches parce que j'étais incapable de faire moi, mais il y a un Allemand qui s'appelle Dolph Höller qui a participé à l'édition et qui nous a dit que il y avait des textes dont il n'avait jamais retrouvé la source et dont certains sans doute même étaient inventés par Nerval. Ça peut aller jusque là dans son cas. Alors, bon, il s'est autorisé ça, Baudelaire et Edgar Poe. Là, on a un autre cas. Baudelaire est beaucoup plus fidèle au texte d'Edgar Poe. Là, mais il choisit les textes qu'il traduit. Et il compose des livres, Histoires extraordinaires, Nouvelles histoires extraordinaires, qui ne sont pas exactement les livres tels que les a publiés Edgar Poe. Mais Baudelaire savait mieux l'anglais que Nerval l'allemand. Il n'empêche que Faust, traduit par Nerval, reste pour nous quelque chose qu'on édite toujours, qu'on continue de publier, parce que c'est le français de Nerval qu'on lit aussi. Et que c'est un tel charme que les faux sens, les passages oubliés, bon, tant pis. Voilà. Mais ça n'empêche pas de retraduire Faust de façon plus littérale. Mais, alors pour Baudelaire, c'est autre chose. Il y a une espèce, il l'a dit lui-même, très clairement, très nettement, il a eu l'impression, peut-être fallacieuse, peut-être fantasmatique, sans doute un peu d'ailleurs, mais en tout cas réelle quand même, de retrouver dans Edgar Poe quelque chose qu'il aurait pu ou qu'il aurait même dû écrire. Au point qu'il a déclaré, pourquoi j'ai passé tant de temps à traduire Poe, parce qu'il était un autre moi-même. Ça compte beaucoup dans l'histoire de la traduction. Cette altérité ou cette projection de soi dans l'altérité. Ou le fait de ramener l'autre à soi aussi. Ça, c'est un aspect capital de la traduction. Alors, chez quelqu'un comme Baudelaire, c'est parfaitement conscient, puisqu'il peut même le dire et l'expliciter. L'explicité, je disais de façon fantasmatique, parce qu'il va jusqu'à dire « J'ai retrouvé en lisant Edgar Poe des phrases que j'avais écrites moi-même, en tout cas mentalement. » Enfin, en tout cas, il se reconnaît parfaitement dans l'univers d'Edgar Poe, et ça, c'est sûr. On a traduit même les textes traduits par Baudelaire, on les a retraduits quelquefois, ou on en a traduit d'autres. Il y a tout un volume, par exemple, qui s'appelle « Le Sphinx » et autres nouvelles, qui ne s'est pas traduit par Edgar Poe. On a des poèmes qui ont été traduits par Baudelaire, qui ont été retraduits par Mallarmé, par Vielle-et-Griffin, par d'autres encore. Donc là, on s'approche de l'exercice que Pascal a mené avec ma complicité. Et donc, vous voyez, voilà. Dernier exemple, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais puisque vous êtes italienne, il se trouve que j'ai traduit un peu d'italien. Et entre autres, j'ai fait un petit volume de textes de Umberto Saaba, qui est un poète que j'aime beaucoup, que j'ai découvert quand j'ai vécu en Italie il y a 40 ans. Et j'ai lu Saaba dans le texte, et pour apprendre l'italien, au fond, je l'ai appris avec Saaba. Ce n'est pas un mauvais maître. Et avec un cameriere aussi. Bon, là, il faut les deux versants. Et ensuite, en France, j'ai publié un choix de textes de Saaba que j'ai pris dans les œuvres complètes. Il y a un volume c'était chez Mondadori, un volume de prose, un volume de poésie. Il y a deux volumes d'œuvres complètes. Alors, dans un volume de plusieurs centaines de pages, j'ai pris des nouvelles qui me plaisaient, qui me parlaient, qui m'intéressaient. J'ai essayé de faire un choix qui avait sa cohérence et j'ai même trouvé un titre qui est le mien et pas le sien. Bon. Sauf que c'est une phrase de lui, comme un vieillard qui rêve. Bon. Mais ce livre-là, il est évidemment d'Umberto Saaba, il n'est pas de moi. Mais il n'empêche que vous pouvez chercher en italien, vous ne trouverez pas ce livre. Voilà. Dans la bibliographie italienne, vous ne trouverez pas comme un vieillard qui rêve. Ou comme un Ovecchio che sogna, je ne sais pas comment. Hein, voilà. Bon. Vous voyez, je n'ai pas eu l'impression de traduire Saaba pour autant. Voilà. Un traducteur, c'est aussi quelqu'un qui invente une œuvre au sens de l'invention d'un trésor. Le trésor, il est déjà là. On ne va pas le falsifier, on ne va pas dorer ce qui est en cuivre pour le faire passer pour de l'or. Non, ce n'est pas ça. Mais l'invention d'un trésor, étymologiquement, ça signifie, c'est pour ça qu'on parle l'inventeur d'un trésor, c'est celui qui le trouve. Bon. Et un bon traducteur, et à plus forte raison un grand traducteur, il y en a eu de très grands dans toutes les langues, c'est quelqu'un qui révèle un univers. Pas seulement un auteur, déjà un auteur, ou deux ou trois, mais aussi tout un univers. C'est un passeur. Et dans ce sens, il est absolument nécessaire. Je sais pas, des gens comme... traducteur, ou... Il n'est pas obligé de traduire lui-même. Je pense à une collection, La Croix du Sud, fondée chez Gallimard par Roger Caillois dans les années 50, qui a révélé Borges et beaucoup d'autres. C'est quelqu'un qui a lu une autre littérature que la nôtre et qui cherche à nous la faire découvrir. Alors, il peut traduire lui-même, il peut faire traduire, mais il y a aussi de grands traducteurs, ceux qui ont entendu Conrad, par exemple, qui est quelqu'un qui s'appelait Georges Aubry. C'est quelqu'un qui a traduit systématiquement Conrad, en tout cas beaucoup de volumes, pas tout, mais beaucoup de volumes. C'est quelqu'un qui est vraiment associé à Conrad. Ou Conrad, comme vous voulez. Donc, c'est... Voilà, un traducteur, c'est ça aussi. Un grand traducteur, c'est pas quelqu'un qui se contente de mettre des mots à la place d'autres mots. C'est quelqu'un qui vous apporte un moment de culture, de civilisation, qui vous révèle un auteur. C'est au point que, parfois, d'ailleurs, il y a des auteurs qui sont mieux lus ou davantage lus, traduits, que dans leur propre langue. C'était le cas de Borges pendant un temps. C'est toujours le cas d'Edgar Poe, qui est relativement méconnu aux États-Unis. C'est devenu un auteur naturalisé français, grâce à Baudelaire. Bon, plus loin de votre question. Je suis loin de votre question. Non, c'est très intéressant. Bon, oui, l'essentiel, c'est de me faire parler. Quoi. Alors, ma question, elle va être de partie. On a vu que vous aviez constaté qu'en général, les auteurs utilisent le plus fréquemment leur langue maternelle pour écrire. Donc, on s'est demandé pour écrire de la poésie. Attention. Je peux repréciser. On s'est demandé comment vous interprétiez la citation de Goethe qui dit que celui qui ne connaît pas de langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue. Et ça nous a amené également à nous demander si cela supposait que l'étude des langues orientales, par exemple, vous a permis une meilleure compréhension de votre propre langue maternelle. Oui. D'accord. On peut passer à la question. Non. Alors d'abord, oui, les écrivains qui écrivent dans une autre langue. Oui, c'est un sujet de réflexion. Enfin, on constate d'abord. Il y en a beaucoup plus maintenant qu'autrefois. Ce qui prouve qu'on apprend davantage des langues étrangères. Et que tout circule beaucoup plus dans le monde d'aujourd'hui qu'autrefois. Enfin, plus facilement, plus rapidement. Et en particulier au XXe siècle, il y a eu aussi plus de déplacements, de migrations, forcées ou pas. Enfin, bon. Politique, économique, etc. Donc tout ça a favorisé le fait que des gens écrivent, souvent par obligation d'ailleurs, dans une autre langue que leur langue, j'allais dire maternelle, mais souvent je préfère dire leur langue natale. Le mot maternel m'a toujours gêné un peu, et je trouve plus juste de dire la langue natale. Enfin, c'est pas une expression attestée, je vous la livre comme ça. Donc, on est amené à écrire dans une autre langue que sa langue natale. C'est plus facile pour les romanciers ou les essayistes que pour les poètes. Il y a très peu d'exemples en poésie. Très, très peu. Il y a Gherasim Luca, qui est un poète d'origine roumaine, qui a vécu à Paris pendant très, très longtemps, plusieurs décennies, et qui a écrit en français. Avant cela, Rilke, Rainer Maria, a écrit des poèmes en français qui s'appellent Verger. Ça a été publié chez Gallimard. S'il n'avait écrit que cela, s'il n'avait pas été le grand poète qu'il était en allemand, il reste très peu de choses de lui. C'est admirable. C'est un peu comme un exploit. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne peut pas dire que ce soit de grands poèmes, ni même d'excellents poèmes de Rilke. Donc c'est là qu'on voit que c'est difficile. Alors que quand Nabokov ou Kundera écrivent en français, il n'y a plus de gros problèmes. Alors, je sais bien qu'on peut me dire que Nabokov, lui, a été élevé dans la langue française, à Saint-Pétersbourg même, enfin, en Russie. Mais Kundera, c'est un autre cas, et lui n'a pas été élevé dans la noblesse de son pays avec une nounou française. Simplement, l'émigration a fait que, petit à petit, d'ailleurs, chez Kundera, il y a un passage. Les premiers livres sont traduits par d'autres, avec lui, pas qu'il était assez emmerdant, d'ailleurs. Et puis, comme il n'était jamais content, il a fini par écrire en français. Cioran, autre exemple fameux, a écrit ses premiers livres dans les années 30 en roumain, puisqu'il était roumain, et a écrit en français après-guerre. C'est une façon pour lui aussi de changer de vie, presque de changer d'identité, de rompre avec ce qu'il avait fait politiquement aussi précédemment, avec la furie politique dont il avait une sorte de honte et qu'il voulait un peu oublier. Donc je pense que le changement linguistique correspond à ça aussi. Vous voyez qu'il y a des cas très très différents, mais en tout cas on peut les multiplier pour la prose, que ce soit l'essai ou le roman. Là, je vous ai cité trois cas. J'ajoute quand même Joyce, parce qu'il a continué à écrire lui. Beckett, par exemple. Beckett, qui a continué jusqu'au bout à écrire dans les deux langues, selon les genres, au fond. En gros, c'est les romans en anglais et le théâtre en français. Voilà. Alors, il y a un mot de lui qui m'avait toujours intrigué et amusé, intéressé aussi. Il a dit un jour qu'il écrivait le théâtre en français parce que le français est une langue pauvre. Or, ce n'était pas polémique dans son esprit. Enfin, je crois pas, Beckett n'avait rien contre la langue française. Mais qu'est-ce que ça veut dire, langue pauvre ? Sans doute plus pauvre que l'anglais pour lui. Oui, ça, il n'y a aucun doute. Alors, est-ce que le français est plus pauvre que l'anglais de manière générale? Là, je ne me lancerai pas là-dedans. Mais sans doute qu'il avait, en effet, un français plus simple, plus, pas rudimentaire, mais vous voyez, bon, il avait moins le choix. Et la langue théâtrale, et la sienne en particulier, est en effet une sorte de, un peu brute. Vous voyez, et ça marche très bien avec ce qu'il veut exprimer. Donc, comme Beckett savait ce qu'il faisait, et qu'il le faisait bien, s'il a choisi le français là, c'est qu'il sentait bien que ça collait avec son projet. Mais le reste, il a continué à l'écrire en anglais. Voyez. Donc voilà, voilà encore un autre cas. Donc au XXe siècle, on en a plein. Puis avant, il y a quelques exemples, mais relativement rares. Et puis souvent, on oublie qu'ils ont écrit en français. Alors c'est Beckford pour Vatek, ou des, enfin, bon, il y a d'autres. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Hamilton, enfin Casanova, bien sûr, etc. Enfin, bon. La poésie, c'est beaucoup plus difficile. Il y a beaucoup plus difficile, puisque je vous disais tout à l'heure, il y a peu de cas, et parfois les exemples ne sont pas forcément très convaincants. Alors pourquoi? C'est ce que je crois, qu'il y a dans la poésie un autre sentiment du langage, et un autre rapport à sa propre langue. C'est-à-dire un rapport beaucoup plus affectif, et qui charrie une mémoire de l'enfant qu'on a été, une mémoire des rythmes qu'on a entendus depuis le début. Et si on se passe de ça, on peut écrire des articles de journaux, on peut écrire tout ce qu'on veut, on aura du mal à écrire un poème. Je pense qu'il y a quelque chose de tellement intérieur dans la poésie que c'est difficile de le réinventer adulte. Voilà. Bon, c'est vite dit et mal dit, mais je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Et la suite de la question, c'était quoi? Il y a beaucoup de choses. Donc cela supposerait-il que l'étude des langues orientales vous a... Oui. Alors j'ai dit oui. C'est parce que, oui, c'est tout à fait vrai. C'est même pour ça que j'ai voulu faire l'expérience. Je n'ai pas fait d'études de chinois ou de japonais, je ne suis pas allé à l'INALCO. J'y pensais d'ailleurs pas. Bon, mais les langues m'ont toujours intéressé. Je me souviens très bien, par exemple, de ma découverte en allemand. J'ai fait de l'allemand comme première langue au lycée de banlieue où j'étais. Et je me souviens absolument avec précision, enfin autant qu'on puisse être précis dans la mémoire, du premier cours d'allemand. Ça a été un éblouissement pour moi. Tout à coup, il y avait d'autres catégories que les miennes. Le neutre. Ou le fait que l'allemand puisse être, que le soleil puisse être féminin, disonné, je prends des exemples simples exprès, ou la lune masculine ou masculin, bon, on ne sait pas comment dire. Mais, bon, la mort, la fille neutre. Hein, pardon. La fille est neutre. Oui, das Leben, absolument. Das Leben. Ou bon, enfin bon, vous savez ça, c'est pas la peine de multiplier les exemples. Et tout à coup, les représentations en sont changées, les divisions dans le monde, les catégories mentales, et surtout le symbolisme, tout le monde allégorique, si on pense à la mort, der Tod, masculin, donc l'homme à la faux, on voit ça dans les films de Fritz Lang, ça va loin. Bon. Donc, avec une langue autre, on découvre tout ça, n'est-ce pas? Surtout si elle appartient à un autre groupe linguistique que le sien. Si on fait de l'espagnol et d'italien, en gros, on a affaire au même monde. Bon. Encore que il mare, la mer, mais c'est masculin. Donc, voilà, ça fait bouger mentalement des choses qui étaient installées et qui seraient figées. Et donc, ça fait une espèce de courant d'air, tout à coup, d'ouverture. Alors, on n'a pas forcément besoin de cette expérience-là. Il se trouve que le langage, pour des raisons que je ne vais pas expliciter maintenant, a toujours été un sujet à la fois de préoccupation, de rêverie, de passion. Enfin, bon, c'est pour ça que je suis devenu écrivain, sans doute. Mais quand même, tous les écrivains ne s'intéressent pas forcément à ce point-là, vous voyez, à l'objet qu'est le langage, voilà, ou la constitution de notre être qui passe par le langage. Voilà. C'est un de mes grands sujets de réflexion, de rêverie, tout ça à la fois. Et donc, j'ai été sensible immédiatement. Et après, adulte, enfin jeune adulte, j'ai voulu continuer en allant un peu plus loin. C'est comme ça que j'ai fait une initiation au chinois, une initiation... Alors là, c'est pour l'écriture, aux hiéroglyphes égyptiens, parce que j'ai écrit un livre où Champollion était partie prenante, alors j'ai voulu comprendre le cheminement de sa découverte. Là, c'était, vous voyez, presque documentaire. Et puis, du japonais, pour des raisons davantage pratiques, parce que je suis allé au Japon un certain nombre de fois et que pas dire un mot, c'est quand même... C'est pas pratique, voilà. Mais je ne me vante pas du tout de savoir le chinois ou combien, j'ai tout oublié ce que j'ai fait, ou à peu près, et le japonais que je bredouille, ça va pas extrêmement loin. Mais il n'empêche que, même si on va pas très très loin, c'est un exercice très fécond, qui apporte énormément. Si on doit passer par là, il y a des gens qui peuvent avoir une ouverture sur le monde qui passent par tout autre chose. Mais à travers les langues elles-mêmes, une langue n'est pas un outil. Voilà. Une langue, c'est un monde. C'est un monde sonore, affectif, sémantique, évidemment, parce que c'est quand même pour dire quelque chose. C'est l'objet de malentendus. C'est fait pour qu'on rencontre des êtres, enfin, et pas seulement lire de la littérature, bien que la littérature y amène la preuve. C'est que nous sommes là ensemble. Voilà, c'est... Encore une fois, c'est une langue, c'est aussi une civilisation, que voulez-vous. C'est un élément d'histoire aussi. Une langue n'est pas inventée du jour au lendemain, et même quand elle l'est, je pense à l'hébreu moderne par exemple, elle est adossée à l'hébreu ancien, ou le grec moderne. Mais l'hébreu est un meilleur exemple, parce qu'il y a vraiment là une refondation, donc une invention. Mais à partir de quelque chose qui existe, pas... Et quand on essaie d'inventer à partir de comme ça, à partir de rien, ex nihilo, ça donne l'espéranto qui marche pas. Alors c'est amusant, ça peut faire un exercice. Ça fait des copains parce qu'à travers le monde on peut communiquer en espéranto. Bon, mais c'est un peu un jeu d'enfant. Pardonnez-moi si vous êtes passionné par l'espéranto d'en faire une description un peu péjorative. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, contrairement à ce qu'on raconte, ça n'a rien d'universel, puisque c'est uniquement latin. Le vocabulaire, la syntaxe, tout est latin. Donc ça n'a rien d'universel. Ça, c'est le premier péché. Et l'autre, c'est que c'est une langue qui n'a pas d'histoire, alors qu'il pourrait en avoir une petit à petit, mais enfin, là, il faut le temps. Qui n'est pas liée à une civilisation, voilà. Sauf la civilisation latine. Mais alors, dans ce cas, ça perd son aspect universel. Bon, je m'égare avec l'espéranto. Voilà, réalité historique aussi. Oui. Réalité historique et, la plupart du temps, une littérature. Alors, même si elle est orale, bon, quand je dis littérature, je ne vise pas seulement l'écrit. Ça peut être des chansons, ça peut être des fables, enfin, des comptines, ça peut être... Enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut inventer de c'est un objet de plaisir aussi, la langue. Vous voyez, je parlais des fables, des comptines, des chansons. C'est pas forcément utile, mais c'est aussi c'est une construction qui permet le désir, le plaisir, etc. Voilà. On continue. Cette question était plus longue que ça encore, non? Non. Là, c'est moi. Ah, c'est pardon. Vous entretenez un rapport particulier avec la photographie. Et y a-t-il pour vous un lien entre votre activité de photographe et votre activité de traducteur? Oui, je ne suis pas vraiment traducteur, en tout cas pas traducteur professionnel. Il m'est arrivé de traduire, oui. On m'a proposé des traductions un peu professionnelles, mais j'ai toujours refusé. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est toujours un peu pour le plaisir et la curiosité. Je ne perds pas de vue votre question, mais par exemple, j'ai traduit en n'allant pas tout à fait jusqu'au bout, mais la Vita Nuova de Dante, c'était vraiment, comme je l'ai écrit dans une petite préface, pour lire plus lentement, pour mieux comprendre, pour rentrer dans le texte. Vous voyez, bon, outre que ce texte me plaît énormément, bon, évidemment, sinon, je n'aurais pas fait, me plaît énormément. Oui, et le côté aussi prose poème, et même exégèse ensuite, ça me parle beaucoup. Oui. Et donc, il y avait une façon de, une possibilité presque de, puisque Dante dit trois fois la même chose dans chaque chapitre, ou dans chaque séquence plutôt. Et donc, il y avait à traduire le même contenu, la même scène éventuellement, par exemple, première rencontre avec Béatrice, bon, il le dit trois fois. Alors ça m'intéressait énormément. Alors, je reviens à la photographie. Écoutez, la photographie, d'abord, c'est hors du langage, sauf avec les modes d'emploi, mais autrement, on ne parle pas. Et justement, c'est ce qui m'a attiré très tardivement, je me suis mis extrêmement tard, c'est ce qui m'a attiré en un moment où j'étais peut-être un peu las du tourner en rond dans mon propre univers langagier. Je ne suis pas le premier et pas le seul. Il y a un grand exemple près de nous, c'est Michaud. Michaud, il a peint beaucoup plus tôt que je n'ai fait de la photographie. Mais il a très bien expliqué pourquoi. Besoin aussi du geste, besoin de passer par... voilà, qu'est-ce qu'on peut, on ne peut pas dire, mais exprimer, malgré tout, avec des moyens autres que la parole ou l'écriture. C'est tentant à un certain moment, si on en éprouve le besoin. Michaud en a éprouvé le besoin, et très vite. Tout ne se résume pas au langage, et pourtant Dieu sait si ça me passionne. Mais il y a un moment où peut-être aussi le fait que l'écriture soit une activité solitaire, on peut écrire en marchant, enfin écrire, vous voyez ce que je veux dire par écrire, enfin élaborer mentalement en marchant ou en faisant la vaisselle ou en s'endormant. Condition de ne pas oublier de retrouver le lendemain matin ce qu'on avait élaboré la veille au soir. Jusqu'à maintenant, j'y arrive, mais ça n'a peut-être pas duré. On peut donc écrire de diverses façons, mais je pense que, on sait très vite, très tôt, ne serait-ce qu'intuitivement, qu'il y a des tas de choses qui échappent à l'écriture, qui se passent. C'est comme une rivière qui sort de son lit régulièrement. Voilà. Et donc, je suis passé à la photo. Que j'avais envie de me passer du langage. C'est plus compliqué que ça, puis il y a des circonstances, il y a des occasions, il y a des rencontres. Bon, je ne vais pas me mettre à détailler tout ça, mais il me paraît évident qu'il y avait une lassitude et une sorte un peu d'impasse, le sentiment de me répéter en écrivant. Mais bon, c'est une de mes hantises. Hein, mais il y a des écrivains qui font toujours le même livre et qui le font très bien, hein, je n'ai rien contre. Hein. On peut penser à Modiano, par exemple, quand on dit ça. Non, c'est pas négatif dans mon esprit, pas du tout. Non. Mais moi, j'ai besoin d'être plus divers. Voilà. Et donc, si je me mets dans un seul sillon comme ça, alors très vite, j'abandonne. Donc, j'ai besoin, vous voyez, de renouveler l'appétit ou le désir, de me ressourcer, d'avoir d'autres matériaux à traiter. Bon. Et donc la photographie m'a aidé à m'exprimer autrement, très très modestement. Alors ça vient pas tout seul, ça vient pas d'un coup, c'est-à-dire que ça m'intéressait depuis très très longtemps. Je fréquentais même des photographes, et même quelques-uns de très grands, avec qui j'avais toujours plaisir à être. Parce que justement j'aimais beaucoup la photographie, j'en achetais, j'en collectionnais aussi. Des épreuves de tirage originaux. À une époque où il y avait très peu de marché, d'ailleurs. Après, on ne peut plus, parce que ça devient trop cher. Donc, tout ça m'intéressait. L'espèce d'imaginaire aussi autour de la photographie. La chambre noire, le développement, oui, le voile, etc. Et ce qui a fini avec le numérique, on est passé à toute autre chose. Oui. Enfin, imaginairement, on n'est plus du tout dans les mêmes registres. Donc cette photographie-là, à l'ancienne, c'est la mythologie de la chambre noire. Voilà, pour dire. Alors, après, on peut y mettre beaucoup de choses, tout ce qu'on veut. C'est un jeu avec la lumière aussi. Enfin, oui, bon, il y a une sorte de... Du coup, vous préférez les photographies argentiques ? Non, j'ai arrêté de faire de l'argentique parce que d'abord, ça coûte extrêmement cher les tirages maintenant. Alors ça, c'est un obstacle. Et puis le numérique m'a permis de passer à la couleur, si vous voulez tout savoir. Mais du même coup, je ne fais plus de noir et blanc, et j'ai réessayé quelques fois, et je n'y arrive pas. Je ne vois plus en noir et blanc. C'est très étonnant, ça. Plus moyen. Voir en noir et blanc, c'est-à-dire, c'est voir en ombre et en lumière. et transposer la réalité qu'on voit évidemment en couleur. Mais quand on fait du noir et blanc, ou quand on faisait du noir et blanc argentique, on avait tout, enfin, tous ceux qui en faisaient avaient la faculté quasi immédiate de voir en noir et blanc ce qui était pourtant en couleur. Et c'est ça que j'arrive plus à faire. Donc avec le numérique, je suis passé à la couleur. Alors, donc, solitude, lassitude de la parole, tout ça a fait que c'est arrivé au bon moment, ou en tout cas j'ai saisi l'occasion à un moment qui était nécessaire. Et puis voilà, j'ai continué. Alors parfois c'est un rapport avec les textes, c'est arrivé, d'autres fois pas du tout. Mais quand je dis c'est arrivé, je peux préciser, le premier livre que j'ai illustré par mes propres photos, c'était un, sans le vouloir d'ailleurs, enfin sans le calculer, sans que ce soit prémédité. C'est un texte sur les jardins de Kyoto au Japon. C'est un petit livre qui vient de reparaître en poche, là, d'ailleurs, petite poche tout mince, mais on m'a mis des photos. Et c'était des photos en noir et blanc que j'ai faites indépendamment du texte que j'écrivais. Et puis quand j'ai eu les deux en main, je me suis dit, ah bah quand même, c'est pas sans rapport. Et puis ça permet quand même à ceux qui n'ont pas été sur place de voir. Ça rajoute du sens. Du sens, je ne sais pas. C'est une peut-être, mais c'est pas exclu ça. Mais c'est quand même plus facile d'expliciter le sens avec les mots. Mais ça joue le rôle de preuve aussi. Et je vais aller plus loin, c'est que la façon de photographier les choses, elle a du sens. Par exemple, il y a un moment où je peux prendre cet exemple. Il y a un moment où, à partir du Ryōan-ji, qui est le jardin le plus célèbre, vous savez, celui qu'on prend toujours, le jardin sec par excellence, avec les pierres dont une est toujours invisible. Vous voyez ça un peu ou pas du tout? Sol de gravier, un mur au fond, des pierres devant, un petit socle de mousse. Non? Bon, ça, c'est le jardin le plus célèbre, reproduit un peu partout. Bon. C'est moins célèbre que la vague de Hokusai, mais presque autant. Et en général, on prend ça, mais c'est après avoir pris mes propres photos que j'y ai réfléchi, et en écrivant. On prend ça, alors, avec un appareil panoramique, hein, ou un grand angle, qui déforme tout, pour montrer le tout du jardin. Or, moi, j'ai pas eu envie de faire ça du tout. Et au contraire, de prendre, non pas un détail, mais même de façon, vous voyez, fragmentaire. Et j'ai trouvé après que c'était plus juste, semble-t-il, hein, c'était plus juste parce que précisément dans l'esprit des concepteurs des jardins à Kyoto et dans le Japon en général et en Chine avant, il y a justement l'absence de volonté totalisante. C'est-à-dire que ça n'est pas fait pour être justement pour qu'on ait une vision panoramique. On ne peut jamais tout voir. La meilleure preuve, c'est que Ryōan-ji, dont je pourrais parler plus longuement, mais il y a même une pierre qui est toujours invisible, jamais la même. On ne peut jamais les voir toutes à la fois. Parce que quand on se déplace, le jeu de l'oblique en perspective fait qu'il y en a toujours une cachée, mais pas toujours la même. Donc on ne peut pas tout voir à la fois. Si on prend un grand angle ou un panoramique, déjà, ce qui est, il me semble qu'on n'a pas bien compris l'esprit dans lequel ces jardins ont été conçus, vous voyez, voilà, par exemple. Et cette déformation est pénible parce que elle me semble un peu, alors là, traître pour reprendre le mot de tout à l'heure, mais là je l'adopterai, et un peu vulgaire pour tout dire. Alors voilà, quand je suis revenu à Paris, j'avais le texte et puis j'avais les photos. Puis il m'a semblé que les photos avec le texte, ce serait peut-être pas mal. J'ai été voir un éditeur qui publiait des livres de photos avec lesquels j'avais fait un livre, mais les photos n'étaient pas de moi. Je lui ai apporté, puis il a été d'accord pour faire le livre, et voilà. Alors il m'est arrivé après de publier des photos avec des textes, ou parfois sans les textes. J'avais l'idée, je l'ai presque fait avec des photos en couleur, de publier un livre de photos sans texte. Mais tous les éditeurs vous disent, mais sans texte, personne n'achète. Alors pourquoi? Parce que les gens feuillettent, ont tout vu, reposent et c'est fini. Voilà. Voilà. Puis en sachant que j'écris, les gens s'attendent quand même à ce que je fasse au moins 3 pages. Quoi. Sinon, j'ai l'air d'un fainéant.